Laisse les croire que j'irai pas loin. Pour mes gros, mais c'est pas loin. Je galipe couvré sous le linge. Nick Minaj, j'ai noyé le ménage. Wesh, ramène-moi bien si tu veux éviter les stories. Je suis le singe qui braque les gorilles. À mon flow, rajoute la taurine. Non, y'a plus tête à tête. On compète un drive-by pour des pépettes. L'amour nous guette, ça fait clic-clic-bye-bye. Transact pendant la permission. Commence par la finition. Chacun dans son coin, mais quand y'a de la toute la tête, nous unissons. Solidaire et solidaire. Rien à craindre dans le frigidaire. Game, oui, obligé de changer d'air. Trop d'éther, l'hésite me nourrit. Si la mangue rigole, sert de courir. Le cœur sur la main, mais j'ai l'air mauvais. Compare-moi à un fruit pourri. Tant de me marcher dessus, tu finiras par cavaler. Le roi et moi, tu parles d'âme. Engrainé par le valet. Rafalé dans ta bouche, des bastos, tu vas avaler. Mandat d'épaule, le retour est inconnu. Donc viens, tu laisser aller. 2013, me le mec, Michelin. Tout t'arrête pas, on marque qui la sonne. Le star, c'est dur, la sortie, c'est sûr. De j'en pense une pote de Clinton. Oh, frappe à la volonté. On commet des gros délits. Reste sur tes gardes à 6h du mat. Ça soulève, c'est dans ton lit. Cette de vivre sur ma ligne. Algérie, Kassel, Mali. L'Afrique unie par les États-Unis. C'est cette arrière, sortie unie. Oh, mise à la mode, vise à la tombe. Clic, clic, pas. Ne critique pas. Tu paniques, tu niques pas. C'est le son des blocs. L'enclave, tu cloques. On ouvre la porte, tu rap sans faire d'enfant. T'es dans une zone à risque. Fais belle et carré. On craque le game, tout ça plafond comme des otaries. C'est le son des blocs, l'emplage du globe. On ouvre la porte, tu rappes sans faire top top. T'es dans une zone à risque, t'es belle et carré. On craque le game, tout ça plafond comme des otaries. C'est l'arbre sous les routes, c'est l'arbre sous l'Europe. C'est l'arbre sous la place, c'est l'arbre sous la tête. C'est l'arbre sous la table, c'est l'arbre sous la tour. C'est l'arbre sous la tête. Kicks la lâche car, lâche car, lâche car, lâche car, lâche car, lâche car, lâche car, lâche car, lâche car, lâche car, lâche car, lâche car, lâche car, lâche car, lâche car, lâche car, lâche car, lâche car, lâche car, lâche car, lâche car, lâche car, lâche car, lâche car, lâche car, lâche car, lâche car, lâche car, lâche car, lâche car, lâche car, lâche car, lâche car, lâche car, lâche car, lâche car, lâche car, lâche car, lâche car, lâche car, lâche car, lâche car, lâche car, lâche car, lâche car, lâche car, lâche car, lâche car, lâche car, lâche car, lâche car, lâche car, lâche car, lâche car, lâche car, lâche car, lâche car, lâche car, lâche car, lâche car, lâche car, lâche car, lâche car, lâche car, lâche car, lâche car, lâche car, lâche car, lâche car, lâche car, lâche car, lâche car, lâche car, lâche car, lâche car, lâche car